je vais devoir me battre, je le sais. Quitte à avoir les poings violacés, mes peurs, je vais les terrasser. Ce qu'il me faut, c'est un soupçon de confiance en moi, viser plus haut que ce que je crois possible. Et peu importe ce qu'on me dit, l'écoute de la vie m'a donné mon temps durci. Donc je vais y arriver. Fini de s'apitoyer. Que si je ne donne pas tout, j'en crève. J'entre dans la bataille, elle sera sans trêve. Si mon espoir s'entaille, faudra que je me relève. Cela fait bien trop longtemps que je me laisse aller. Si je continue ainsi, la vie sera salée. Je laisse le passé loin derrière. Je cours vers l'avenir pour que je puisse être fier. Je suis prêt.